Curiosité.net. D'Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Deuxième partie. Catherine Lescaut, lue par Alain Bernard. Illustration musicale de Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia, K390. 3 mois après la rencontre du poussin de Porbus, celui-ci vint voir Maître Fraunhofer. Le vieillard était alors en proie à l'un de ces découragements profonds et spontanés, dont la cause est, s'il faut en croire les mathématiciens de la médecine, dans une digestion mauvaise, dans le vent, la chaleur ou quelque empattement des hypochondres, et, suivant les spiritualistes, dans l'imperfection de notre nature morale. Le bonhomme s'était purement et simplement fatigué à parachever son mystérieux tableau. Il était languissamment assis dans une vaste chaire de chêne sculptée, garnie de cuir noir. Et, sans quitter son attitude mélancolique, il lança sur Porbus le regard d'un homme qui s'était établi dans son ennui. « Eh bien, maître, lui dit Porbus, l'autre mer que vous êtes allé chercher à Bruges, est-il mauvais? Est-ce que vous n'avez pas su broyer notre nouveau blanc, votre huile est-elle méchante ou les pinceaux rétifs ?»« Hélas !» s'écria le vieillard. J'ai cru pendant un moment que mon œuvre était accomplie. Mais je me suis certes trompé dans quelques détails, et je ne serai tranquille qu'après avoir éclairci mes doutes. Je me décide à voyager, et je vais aller en Turquie, en Grèce, en Asie, pour y chercher un modèle et comparer mon tableau à diverses natures. Peut-être ai-je là-haut, reprit-il, en laissant échapper un sourire de contentement, la nature elle-même. Parfois, j'ai quasi peur qu'un souffle me réveille, cette femme, et qu'elle disparaisse. Puis il se leva tout à coup, comme pour partir. Oh, oh, répondit Porbus, j'arrive à temps pour vous éviter la dépense et les fatigues du voyage. Comment ? Demanda Fraunhofer étonné. Le jeune poussin est aimé par une femme dont l'incomparable beauté se trouve sans imperfection aucune. Mais, mon cher maître, s'il consent à vous la prêter, au moins faudra-t-il nous laisser voir votre toile. » Le vieillard resta debout, immobile, dans un état de stupidité parfaite. « Comment ? » s'écria-t-il enfin douloureusement. « Montrer ma créature, mon épouse, déchirer le voile sous lequel j'ai chastement couvert mon bonheur ? Mais ce serait une horrible prostitution. » Voilà 10 ans que je vis avec cette femme. Elle est à moi seule, elle-même. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de pinceau que je lui ai donné? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Elle rougirait si d'autres yeux que les miens s'arrêtaient sur elle. La faire voir. Mais quel est le mari, l'amant assez vil pour conduire sa femme au déshonneur? Quand tu fais un tableau pour la cour, tu n'y mets pas toute ton âme. Tu ne vends aux courtisans que des mannequins coloriés. Ma peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion. Née dans mon atelier, elle doit y rester vierge, et n'en peut sortir que vêtue. La poésie et les femmes ne se livrent nues qu'à leurs amants. Possédons-nous le modèle de Raphaël, l'angélique de l'Arioste, la Béatrix du Dante? Non, nous n'en voyons que les formes. Eh bien, l'œuvre que je tiens là-haut, sous mes verrous, est une exception dans notre art. Ce n'est pas une toile, c'est une femme. Une femme avec laquelle je pleure, je ris, je cause et pense. Veux-tu que tout à coup je quitte un bonheur de 10 années, qu'on m'en jette un manteau? Que tout à coup je cesse d'être père, amant et Dieu? Cette femme n'est pas une créature, c'est une création. Vienne ton jeune homme, je lui donnerai mes trésors. Je lui donnerai des tableaux du Corrège, de Michel-Ange, du Titien. Je baiserai la marque de ses pas dans la poussière. Mais enfin, mon rival, honte à moi. Ah, je ne suis plus, moi encore, que je ne suis peintre. Oui, j'aurai la force de brûler ma belle noiseuse à mon dernier soupir. Me lui faire supporter le regard d'un homme, d'un jeune homme, d'un peintre? Non, non, je tuerai le lendemain celui qui l'aurait souillé d'un regard. Je te tuerai à l'instant, toi, mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux. Veux-tu maintenant que je soumette mon idole au froid regard et aux stupides critiques des imbéciles? Ah, l'amour est un mystère. Il n'a de vie qu'au fond des cœurs. Et tout est perdu quand un homme dit même à son ami « Voilà celle que j'aime ». Le vieillard semblait être devenu jeune. Ses yeux avaient de l'éclat et de la vie. Ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge vif et ses mains tremblaient. Porbus, étonné de la violence passionnée avec laquelle ses paroles furent dites, ne savait que répondre à un sentiment aussi neuf que profond. Fraunhofer était-il raisonnable ou fou? Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d'artiste? Ou les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme inexprimable produit en nous par le long enfantement d'une grande œuvre? Pouvait-on jamais espérer de transiger avec cette passion bizarre? En proie à toutes ces pensées, Porbus dit au vieillard. Mais n'est-ce pas femme pour femme? Poussin ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos regards? Quelle maîtresse? Répondit Fraunhofer. Elle le trahira tôt ou tard. La mienne me sera toujours fidèle. Eh bien, reprit Porbus, n'en parlons plus. Mais avant que vous nous trouviez, même en Asie, une femme aussi belle, aussi parfaite que celle dont je parle, vous mourrez peut-être sans avoir achevé votre tableau. Oh, il est fini, dit Fraunhofer. Qui le verrait croirait apercevoir une femme couchée sur un lit de velours sous des courtines. Près d'elle, un trépied d'or exhale des parfums. Tu serais tenté de prendre le gland des cordons qui retiennent les rideaux, et il te semblerait voir le sein de Catherine Esco, une belle courtisane appelée la belle noiseuse, rendre le mouvement de sa respiration. Cependant, je voudrais bien être certain. Va donc en Asie, répondit Porbus, en apercevant une sorte d'hésitation dans le regard de Fraunhofer. Et Porbus fit quelques pas vers la porte de la salle. En ce moment, Gillette et Nicolas Poussin étaient arrivés près du logis de Fraunhofer. Quand la jeune fille fut sur le point d'y entrer, elle quitta le bras du peintre et se recula comme si elle eût été saisie par quelque soudain pressentiment. « Mais que viens-je donc faire ici ? » demanda-t-elle à son amant d'un son de voix profond et en le regardant d'un œil fixe. « Gillette, je t'ai laissé maîtresse et veux t'obéir en tout. Tu es ma conscience et ma gloire. Reviens au logis, je serai peut-être plus heureux que si tu... « Suis-je à moi quand tu me parles ainsi ?»« Oh non, je ne suis plus qu'une enfant. »« Gillette, partons !» s'écria-t-il. À cet accent, à ce cri, sa maîtresse joyeuse leva les yeux sur lui, le vit et courut dans ses bras. « Ah, tu m'aimes donc !» reprit-elle en fondant en larmes. Après avoir eu l'énergie de taire sa souffrance, elle manquait de force pour cacher son bonheur. « Oh, laissez-la-moi pendant un moment !» dit le vieux peintre, « et vous la comparerez à ma Catherine. »« Oui, j'y consens. » Il y avait encore de l'amour dans le cri de Fraunhofer. Il semblait avoir de la coquetterie pour son semblant de femme et jouir par avance du triomphe que la beauté de sa vierge allait remporter sur celle d'une vraie jeune fille. « Ne les laissez pas se dédire !» s'écria Porbus en frappant sur l'épaule de Poussin. « Les fruits de l'amour passent vite. Ceux de l'art sont immortels. » « Pour lui, » répondit Gillette, en regardant attentivement le Poussin et Porbus, « ne suis-je donc pas plus qu'une femme ?» Elle leva la tête avec fierté. Mais quand, après avoir jeté un coup d'œil étincelant à Fraunhofer, elle vit son amant occupé à contempler de nouveau le portrait qu'il avait pris naguère pour un Georgion. « Ah, dit-elle, montons, il ne m'a jamais regardé ainsi. »« Vieillard, » reprit Poussin, tiré de sa méditation par la voix de Gillette, « vois cette épée. Je la plongerai dans ton cœur au premier mot de plainte que prononcera cette jeune fille. Je mettrai le feu à ta maison et personne n'en sortira. Comprends-tu ? » Nicolas Poussin était sombre et sa parole fut terrible. Cette attitude et surtout le geste du jeune peintre consolèrent Gillette, qui lui pardonna presque de la sacrifier à la peinture et à son glorieux avenir. Porbus et Poussin restèrent à la porte de l'atelier, se regardant l'un l'autre en silence. Si, d'abord, le peintre de la Marie égyptienne se permit quelques exclamations, « Ah, elle se déshabille !» Il lui dit de se mettre au jour. Il la compare. Bientôt, il se tut à l'aspect du Poussin, dont le visage était profondément triste. Et quoique les vieux peintres n'aient plus de ces scrupules si petits en présence de l'art, il les admira tant ils étaient naïfs et jolis. Le jeune homme avait la main sur la garde de sa dague et l'oreille presque collée à la porte. Tous deux, dans l'ombre et debout, ressemblaient ainsi à deux conspirateurs attendant l'heure de frapper un tyran. « Entrez, entrez !» leur dit le vieillard rayonnant de bonheur. « Mon œuvre est parfaite. » Et maintenant, je puis la montrer avec orgueil. Jamais peintre, pinceau, couleur, toile et lumière ne feront une rivale à Catherine Lescaut, la belle courtisane. En proie à une vive curiosité, Porbus et Poussin coururent au milieu d'un vaste atelier couvert de poussière, où tout était en désordre, où ils virent ça et là des tableaux accrochés au mur, et ils s'arrêtèrent tout d'abord devant une figure de femme de grandeur naturelle, demi-nue, et pour laquelle ils furent saisis d'admiration. « Oh, ne vous occupez pas de tout cela, » dit Fredenfer, « c'est une toile que j'ai barbouillée pour étudier une pose. Ce tableau ne vaut rien. Voilà mes erreurs, » reprit-il en leur montrant de ravissantes compositions suspendues au mur autour d'eux. À ces mots, Porbus et Poussin, stupéfaits de ce dédain pour de telles œuvres, cherchèrent le portrait annoncé sans réussir à l'apercevoir. « Eh bien, le voilà, » leur dit le vieillard, dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle, dont les yeux pétillaient et qui haletaient comme un jeune homme ivre d'amour. « Ah, ah !» s'écria-t-il, « vous ne vous attendiez pas à tant de perfection. Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Et il y a tant de profondeur sur cette toile. L'air y est si vrai que vous ne pouvez plus le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art ? Perdu, disparu. Voilà les formes mêmes d'une jeune fille. N'ai-je pas bien saisi la couleur, le vif de la ligne qui paraît terminer le corps ? N'est-ce pas le même phénomène que nous présentent les objets qui sont dans l'atmosphère, comme les poissons dans l'eau ? Admirez comme les contours se détachent du fond. Ne semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur ce dos ? Aussi, pendant cette année, ai-je étudié les effets de l'accouplement du jour et des objets. Et ces cheveux, la lumière, ne les inonde-t-elle pas ? Mais elle a respiré, je crois. Ce sein, voyez, ah, qui ne voudrait adorer à genoux ? Mes chers palpitent, elle va se lever. Attendez, apercevez-vous quelque chose ? Demanda Poussin à Porbus. Non ? Et vous ? Rien ? Les deux peintres laissèrent le vieillard son extase, regardèrent si la lumière, en tombant d'aplomb sur la toile qu'il leur montrait, n'en neutralisait pas tous les effets. Ils examinèrent alors la peinture, en se mettant à droite, à gauche, de face, en se baissant et se levant tour à tour. « Oui, oui, c'est bien une toile, » leur disait Fraunhofer, en se méprenant sur le but de cet examen scrupuleux. « Tenez, voilà le châssis, le chevalet, enfin, voici mes couleurs, mes pinceaux. » Et il s'empara d'une brosse qu'il leur présenta par un mouvement naïf. « Le vieux lansquenet se joue de nous, » dit Poussin, en revenant devant le prétendu tableau. « Je ne vois là que des couleurs, confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres, qui forment une muraille de peinture. »« Nous nous trompons, voyez, » reprit Porbus, en s'approchant. Ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, mais un pied délicieux, un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. « Il y a une femme là-dessous, » s'écria Porbus, en faisant remarquer à Poussin les couches de couleurs que le vieux peintre avait successivement superposées en croyant perfectionner sa peinture. Les deux peintres se tournèrent spontanément vers Fraunhofer en commençant à s'expliquer, mais vaguement, l'extase dans laquelle ils vivaient. « Il est de bonne foi, » dit Porbus. « Oui, mon ami, » répondit le vieillard en se réveillant, « il faut de la foi dans l'art. » Et vivre pendant longtemps avec son œuvre pour produire une semblable création. Quelques-unes de ces ombres m'ont coûté bien des travaux. Tenez, il y a là, sur la joue, au-dessous des yeux, une légère pénombre qui, si vous l'observez dans la nature, vous paraîtra quelque intraduisible. Eh bien, croyez-vous que cet effet ne m'ait pas coûté des peines inouïes à reproduire ? Mais aussi, mon cher Porbus, regarde attentivement mon travail. Et tu comprendras mieux ce que je te disais sur la manière de traiter le modelé et les contours. Regarde la lumière du sein et vois comme par une suite de touches et de rehauts fortement empâtés, je suis parvenu à accrocher la véritable lumière et à la combiner avec la blancheur luisante des tons éclairés. Et comme par un travail contraire en effaçant les saillies, et le grain de la pâte, j'ai pu, à force de caresser le contour de ma figure, noyée dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée de dessin et de moyens artificiels, et lui donner l'aspect et la rondeur même de la nature. Approchez, vous Vous verrez mieux ce travail. De loin, il disparaît. Tenez, là, il est, je crois, très remarquable. » Et du bout de sa brosse, il désignait aux deux peintres un pâté de couleur claire. Porbus frappa sur l'épaule du vieillard en se tournant vers Poussin. « Savez-vous que nous voyons en lui un bien grand peintre » dit-il. « Il est encore plus poète que peintre, » répondit gravement Poussin. Là, reprit Porbus en touchant la toile, « finit notre art sur terre. » « Et de là, il va se perdre dans les cieux, » dit Poussin. « Combien de jouissances sur ce morceau de toile !» s'écria Porbus. Le vieillard absorbé ne les écoutait pas, et souriait à cette femme imaginaire. « Mais tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile !» s'écria Poussin. « Rien sur ma toile !» dit Franoffin, en regardant tour à tour les deux peintres et son prétendu tableau. « Qu'avez-vous fait ?» répondit Porbus à Poussin. Le vieillard saisit avec force le bras du jeune homme et lui dit « Tu ne vois rien, Manant ? Malheureux ? Bélitre ? Bardache ? Pourquoi donc es-tu monté ici ?»« Mon bon Porbus, » reprit-il en se tournant vers le peintre, « est-ce que vous aussi, vous vous joueriez de moi ?»« Répondez, je suis votre ami, dites, aurais-je donc gâté mon tableau ?» Porbus indécis n'osa rien dire, mais l'anxiété peinte sur la physionomie blanche du vieillard était si cruelle qu'il montra la toile en disant « Voyez, Renaufa contempla son tableau pendant un instant et chancela. Rien, rien, et avoir travaillé 10 ans. » Il s'assit et pleura. « Je suis donc un imbécile, un fou. Je n'ai donc ni talent, ni capacité. Je ne suis plus qu'un homme riche qui, en marchant, ne fait que marcher. Je n'aurai donc rien produit. » Il contempla sa toile à travers ses larmes. Il se releva tout à coup avec fierté et jeta sur les deux peintres un regard étincelant. « Par le sang, par le corps, par la tête du Christ, vous êtes des jaloux qui voulez me faire croire qu'elle est gâtée pour me la voler. Moi, je la vois, » cria-t-il. « Elle est merveilleusement belle. » En ce moment, Poussin entendit les pleurs de Gilette, oubliés dans un coin. « Qu'as-tu, mon ange ?» lui demanda le peintre, redevenu subitement amoureux. « Tue-moi, » dit-elle, « je serai une infâme de t'aimer encore, car je te méprise. Je t'admire et tu me fais horreur. Je t'aime et je crois que... je te hais déjà. » Pendant que Poussin écoutait Gilette, Franrofa recouvrait sa Catherine d'une serge verte, avec la sérieuse tranquillité d'un joaillier qui ferme ses tiroirs en se croyant en compagnie d'un droit larron. Elle jeta sur les deux peintres un regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçons, les mit silencieusement à la porte de son atelier avec une promptitude convulsive, puis leur dit sur le seuil de son logis « Adieu, mes petits amis !» Cet adieu glaça les deux peintres. Le lendemain, Porbus, inquiet, revint voir Franhofa et apprit qu'il était mort dans la nuit après avoir brûlé ses toiles.